Dis, essayez de comprendre l'ego, votre ego, comme on vous l'explique. Regardez bien ça. Ce que vous pensez, c'est sans importance. Pourquoi? Parce que c'est coloré, c'est réfléchi, c'est astralisé. Mais il dit, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Il dit, c'est quand que ça vous crée des problèmes que vous n'êtes plus intelligent. C'est quand ça vous crée des problèmes que vous n'êtes plus dans votre intelligence. Si ça ne vous crée pas de problème, vous êtes dans votre intelligence. Avez-vous des problèmes avec ce qu'il y a avec ça, cette proposition-là qu'il donne? Regardez ça. Il ne dit pas votre ego qui a le problème, il dit c'est la place qu'il prend. Ce qu'il veut dire par ça, c'est que la place qu'il prend, il dit, ça veut dire les illusions qu'il se crée. Ça veut dire quoi, ça? Les malaises qu'il s'engendre. Si l'ego s'engendre des malaises, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans votre intelligence créative, vous êtes dans une intelligence réflexive. L'ego, c'est pas supposé s'engendrer des malaises. Si ça engendre des malaises, c'est parce qu'il est dans un processus de réflexion. Donc, c'est pourquoi est-ce que l'homme a tant de difficultés à s'identifier avec lui-même ou s'identifier avec sa source? C'est parce que... Parce qu'il dit, il ne réalise pas qu'il est toujours en train de s'engendrer des malaises. Donc, on s'engendre des malaises en tant qu'ego, puis on ne réalise même pas qu'on s'engendre des malaises. Puis dans ce phénomène-là d'engendrer des malaises, on perd contact avec notre intelligence, notre source, on a plus compris. Le caractère unique de notre conscience personnelle. Il dit, c'est pas normal de ne pas être bien dans sa peau. Il dit, si vous n'êtes pas bien dans sa peau, dans votre peau, il dit, c'est parce que vous pensez des choses qui ne font pas partie de votre réalité. Donc, vous pensez des choses qui ne sont pas réelles. C'est sûr que si vous pensez des choses qui ne sont pas réelles, vous ne serez pas bien à votre peau. Mais ça vient d'où, ça, ces choses-là qu'on pense qui ne sont pas réelles? Ça vient de la déformation de notre moi. Ça, c'est la culture. Parce que notre moi a été déformé par la culture. Les religions, les philosophies, politiques, whatever. Puis avec ce moi-là qui est déformé, c'est normal qu'on se cherche. Qu'on prend, pourquoi qu'on se cherche? Mais ça ne donne pas de solution, ça. Il dit, c'est pas en vous cherchant que vous allez vous trouver. Il dit, c'est en réalisant que vous êtes intelligent. Puis là, vous allez dire, bien, comment est-ce qu'on peut réaliser qu'on est intelligent si on est inconscient? Il dit, il y a toujours une partie de vous autres qui est lumière. Il y a toujours une partie de vous autres qui est lumière. Le reste, c'est de la cochonnerie. Donc, tu t'habitues à la lumière, un petit peu de lumière, puis un petit peu de lumière, puis un petit peu de lumière, puis éventuellement, bien, tu rentres dans ton unicité. Sans ça, vous allez vous chercher toute votre vie. Il dit, c'est pour ça que vous avez avantage à parler avec du monde qui sont intelligents. Parce que si vous parlez avec du monde qui sont intelligents, ben à ce moment-là, quand vous allez dire quelque chose qui est intelligent, vous allez dire, ah, c'est intelligent, ça. Donc, ils vont vous encourager à aller plus loin. Mais si vous parlez avec du monde qui ne sont pas intelligents, puis pour eux autres, pas intelligents, ça ne veut pas dire que... Ça veut pas dire des gens qui n'ont pas d'éducation, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'éducation qui ne sont pas intelligents. Je veux dire, il y a des gens qui ont d'éducation qui ne sont pas intelligents. C'est pas parce que vous avez un doctorat que vous êtes intelligent. Intelligent, ça veut dire conscient. Ça ne veut pas dire structure du mental inférieur. Tu vas voir un psychologue, puis tu vas dire, je communique intérieurement, il va te dire, va te rentrer à grande bâtisse. Donc, la notion d'intelligence, puis la notion de l'intelligence, la conscience d'intelligence, c'est pas la même chose. Il dit, vous avez trop tendance à questionner ce que vous savez, au lieu d'apprendre à vivre avec, même si c'est inconfortable temporairement. C'est inconfortable temporairement, apprenez à vivre avec, apprenez à vivre avec. Le caractère unique de l'homme, c'est inconfortable temporairement. Apprenez à vivre avec. Si vous n'êtes pas capable d'apprendre à vivre avec ce caractère inconfortable de l'homme-là, qui est né de son unicité, bien, automatiquement, vous allez vouloir vivre comme les autres, être comme les autres, penser comme les autres. Vous allez automatiquement appartenir à la conscience de la masse. Vous allez chercher toute votre vie. quand les modes vont changer, bon, vous allez aller dans la direction des nouvelles modes. Du pas en vous cherchant, vous allez vous trouver, dit, en goûtant de ce que vous savez. Apprenez à goûter de ce que vous savez. Même si vous êtes seul à le savoir. Même si vous êtes seul. Mais c'est plus dur si vous êtes seul à le savoir. Ou à savoir quelque chose. Mais éventuellement, vous allez rencontrer quelqu'un qui sait la même chose que vous. Vous allez dire, ah, je n'étais pas aussi sans dessin que je pensais. Je n'étais pas aussi niaiseux que je pensais. Il y a des médecins qui viennent me voir et qui me disent, ah, monsieur Vernon, j'ai eu des expériences quand j'étais jeune, j'en parlais pas à mes collègues. Peut-être s'il n'avait pas parlé à ses collègues allaient dire, ah, moi aussi, je n'ai une. Fait qu'on ne respecte pas notre unicité. On a bien de la difficulté avec ça. Puis plus on avance, plus on appartient à des civilisations conformisantes, mais plus c'est difficile. Plus on est dans des milieux homogènes, homogénisants, plus c'est difficile. Comme les Anglais disent, you gotta toe the line. Sois en ligne. C'est évident que la conscience, c'est pas une affaire d'être en ligne. La conscience, c'est toujours une tête au-dessus de la masse. La masse. Il dit, vous ne pouvez pas être en conscience tout de suite sans vivre un certain inconfort parce que être en conscience ou rentrer dans votre conscience ou dans le caractère unique de votre conscience, c'est inconfortable. Une petite habitude, ça prend des années. On appelle ça une initiation de l'homme. Transformation de l'homme. C'est normal. Mais il dit, c'est pas parce que vous êtes inconfortable que vous n'êtes pas sur la bonne route. Il dit, la plus grande illusion de l'ego, c'est de vouloir être conscient. Oubliez ça, vouloir être conscient. Vouloir être conscient, c'est encore une recherche. Ça. C'est le chien qui court après sa queue. Vouloir être conscient. Si vous me disiez, bien, j'aimerais ça être bien dans ma peau, ah, je dirais pas, ça c'est bien. Être bien dans sa peau, ça c'est... Mais vouloir être conscient, c'est quoi ça, vouloir être conscient? C'est un idéal, ça, c'est quoi ça? Vouloir être bien dans sa peau, ah, pas prudent. Quelqu'un dit, ouais, comment est-ce que je peux être bien dans ma peau? Ben, je lui dis, accepte-la ta peau. Tu peux être bien dedans. Si t'étais un chien, arrête de vouloir être un chat. Si t'étais un chat, arrête de vouloir être un chien. Accepte-la ta peau. Alors, le chien se compare au chat, le chat se compare au chien. On fait ça toute notre vie. Celui qui a l'éducation se compare à celui qui n'a pas. Celui qui n'a pas se compare à celui qui n'a. La femme qui a des petits seins, se compare à la femme qui a des gros seins. Celle qui a des gros seins, elle veut des petits seins. On n'est jamais content. On n'est pas capable de vivre notre unicité. Il dit, vous vivez constamment la travestie de votre réalité, puis après ça, vous voulez être réel. Habituez-vous à la vivre, votre réalité, qu'elle apparaisse croche aux yeux des autres. C'est ni ça, ni là. C'est un problème de l'ego de vouloir constamment s'ajuster puis s'ajuster au lieu de haine, vivre son affaire comme il est. C'est un problème de l'ego. La conscience évolutive, c'est une conscience de développement, ce n'est pas une conscience de construction. Vous ne pourrez jamais vous construire et devenir telle affaire. C'est un processus évolutionnaire. C'est en dehors de l'ego. Ils vont vous enlever votre mémoire pour vous donner la preuve que de la conscience, c'est basé sur un certain vide. Ils vont vous emmener, envoyer, vous allez perdre un peu de votre mémoire dans le processus d'évolution. C'est sûr. C'est sûr. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de mémoire. Ils vont vous la suspendre pour vous donner la preuve que la mémoire de l'ego, ce n'est pas un attribut seulement de l'ego. Puis ils vont le faire parce que la mémoire de l'ego, l'ego mesure son intelligence en fonction de sa mémoire. Le gars dit, ah, ben moi, j'ai une grosse mémoire, j'ai une bonne mémoire, je suis intelligent. Ça n'a rien à faire avec votre intelligence, ça. Le degré de mémoire que vous avez. Je parle en matière de cause, moi, là. Il dit, la mémoire que vous avez en tant qu'ego, c'est simplement un maintien pour la sanité de votre esprit, puis ça fait partie des lois universelles occultes, ça. C'est ça qui permet à l'homme de sentir qu'il est normal, sain d'esprit. Aussitôt qu'il commence à sentir là, qu'il y a une suspension de sa mémoire, il commence à s'énerver. Habituez-vous à ça. Habituez-vous. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre mémoire, mais il va y avoir une retenue de mémoire que vous n'aviez jamais pensé que vous vivriez. Puis pas nécessairement tout le monde, mais certains individus vivront certainement ça. Parce qu'il y a trop de cochonneries dans la mémoire, il y a trop de déchets dans la mémoire, il y a trop de rebuts dans la mémoire, il y a trop de... C'est comme une atmosphère qui bloque la lumière, cette affaire-là. Si vous basez votre intelligence sur votre mémoire, vous allez frapper un jour, si jamais, pour une raison ou une autre, vous allez loin dans le processus de transformation de l'homme. Il dit, votre mémoire, c'est simplement un niveau de conscience. C'est un niveau de conscience. C'est un plancher de votre conscience. Mais c'est pas toute votre conscience. Il dit, l'évolution de l'homme, il dit, c'est la consolidation de son moi par rapport à un certain, ce qu'on appelle nous autres un certain vide. Mais ça n'existe pas le vide. C'est une illusion, ça. C'est une illusion spirituelle. Le vide, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de vide. Tout est plein. Il n'y a pas de vide. Les hindous qui nous ont amené le concept du vide. C'est ceux qui sont vides aussi, là. Grève de faim. Vide. C'est comme le silence de l'âme. Ça n'existe pas le silence de l'âme. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est pas parce que ton radio est fermé que les ondes ne sont pas là. Rouvre ton radio et les ondes vont rentrer. Tu vas entendre CKVN. Le vide. On est plein de notions d'involutive. Qu'on leur donne des valeurs extraordinaires, universelles, universitaires, idéologiques, religieuses. Le vide. Dis, le vide, c'est une notion spirituelle, ça n'existe pas. La seule raison que je monte, cherche le vide, c'est parce qu'ils ont trop de statiques dans la tête, ils veulent la paix, fait qu'ils cherchent le vide. Et elle n'a pas de vide. S'ils ne vous communiquent pas au niveau d'une pensée, donc une télépathie, ils vont vous communiquer au niveau vibratoire. Même chose. C'est ça une vibration qui vous communique, ou que ce soit au niveau d'une forme ou pensée qui vous communique, c'est la même affaire. Le vide. Les mystiques du Moyen-Âge ont cherché le vide, puis le vide, puis le vide, puis se sont flagellés pour trouver le vide. Puis aussitôt qu'il y avait un petit peu de vide, ça remplissait encore, puis ils se flagellaient encore, puis ça remplissait encore, puis ils se flagellaient encore, jusqu'à temps qu'ils capotent, jusqu'à temps qu'ils hallucinent. Le vide. Il dit, vous êtes plein de notions qui n'ont rien à faire avec la réalité parce que vous faites partie de l'évolution. Il dit, ces notions-là, il dit, ça va pas, ça ne vous a pas été transmis. Il dit, vous les avez pensées. Comment est-ce que l'homme peut penser des notions puis vouloir constater le réel lorsque penser, ça fait déjà partie de l'évolution. Ça fait déjà partie de la réflexion. Ça fait déjà partie de la coupure entre l'ego et le doute, la source. Il dit, ça ne dérange pas que vous pensiez, mais sachez au moins qu'on est en rien. Minimum. Mais si on sait pas qu'ils sont en arrière, on est dans l'évolution. Là, on risque de se faire passer n'importe quoi. Il dit, le mot sapiens, il dit, c'est un être qui se pense délaissé. L'homme sur la terre, l'homo sapiens, c'est un être qui se pense délaissé. L'homme est jamais délaissé. C'est quoi cette affaire-là, délaissé? On n'est jamais tout seul avec nos problèmes. C'est quoi nos problèmes? Il dit, vos problèmes, il dit, c'est des conditions créées dans votre conscience pour l'évolution de l'ego, pour l'évolution de l'âme, pour l'évolution de l'âme, pour la transmutation de l'âme. Il dit, vous n'êtes pas en train de vivre l'expérience, il dit, vous êtes en train de vous évoluer à travers l'expérience. Pas pareil. Il dit, vous croyez qu'il y a une limite à votre conscience? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que vous soyez menuisier, chirurgien, architecte, ticu, il n'y en a pas de limite à votre conscience. Il dit, la conscience, c'est un système de communication entre l'invisible et la matière. Entre l'homme matériel incarné et l'homme universel. C'est un système de communication qu'on appelle ultimement de la télépathie. Pour le moment. Un jour, on appellera ça, on donnera ça un autre nom. Mais pour le moment, c'est une télépathie. Mais une télépathie qui n'est pas réalisée par l'âme. Donc, comme elle n'est pas réalisée, cette télépathie-là, par l'âme, l'homme est obligé de toujours convenir avec un processus réflectif. Et dans cette convenience-là, il est obligé de s'accepter en tant qu'être pensant. Donc, il est obligé de s'accepter en tant qu'être diminutif, diminué, réfléchi, alors qu'il n'est pas ça avant tout. Fait que c'est quoi les conséquences? C'est que quand vous avez des problèmes, votre maison brûle, votre chum, votre Christ là, vous vivez des pensées de toutes sortes. Puis ces pensées-là vous mettent dans un mode de réflexion et ça vous encadre dans une petitesse d'esprit qui est existentielle, qu'on appelle l'ego. Puis de ça, bien, vous voulez vous extirper. Puis ça, vous appelez ça la recherche de soi. Alors que si l'homme était dans un processus de télépathie, que sa blonde venait de le crisser là, ou son chum venait de la crisser là, l'homme sera capable, ou la femme sera capable de communiquer, puis de savoir pourquoi il y aurait une réponse. Donc à ce moment-là, il aurait plus besoin de faire de la recherche, puis tomber dans une blonde. Qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire? Tomber en culpabilité. Un des plus grands poisons de l'astral. Puis on l'a collé au cul, ça, la culpabilité. On en mange de ça. La culpabilité. La grosse menace. Ça, c'est de la grosse menace. Ceux qui ont le pouvoir, ils aiment ça te faire sentir la culpabilité. Les curés, les monseigneurs, les idéologues, les parents, toute la crise de gang. Ceux qui veulent garder les mémoires de race, ceux qui veulent garder les traditions. Les grands ignorants des religions. Y a-t-il plus d'ignorance sur la planète Terre que des religions? C'est un vrai Capharnaüm, cette affaire-là. C'est la plus grande des abominations, les religions. Puis on y croit Dieu comme fer. Plus on est ignorant, plus on est cru comme fer. On est prêt à se tuer et à se faire sauter pour. Mais j'ai aucune sympathie pour l'humanité. Pour l'homme, oui. L'individu, oui. Je suis capable d'aller un long way pour l'homme. Et en tant qu'individu, avec l'humanité, aucune sympathie. Qu'en mange la mère? Le moi de la race. Les grandes idéologies. Les grands royaumes, les grands empires, les grandes religions. Karl Marx, Staline, Hitler, les imams. Toute la cochonnerie, les papes, tout le set. Qui mange la marde? Les guerres, même chose. Les famines, même affaire. C'est le karma des nations. Qui mange la marde? L'homme, l'individu, oui. Mais les grandes masses, la miasse, m'a commencé à m'inquiéter de la miasse. Non, oui. J'ai plus spiritualité, j'ai plus ça, ces affaires-là, moi. Alors, vous savez comment ça a tremblé aux Nations Unies quand Bush a dit au monde, il a dit, si les Nations Unies ne s'organisent pas pour réellement prendre de l'action contre Saddam Hussein, si le gars corrige pas sa game avec les inspecteurs, il dit, nous autres, on va considérer les Nations Unies comme irrelevant. Comme ça compte même plus pour nous autres des Nations Unies. On va vous considérer comme la Ligue des Nations des années 30, des années 40, quand vous n'avez rien fait contre Mussolini et Hitler. Ah, là, ils ont eu peur en crise. Toute la gang, là. Parce qu'ils savent que les Américains sont capables d'y aller tout seuls. Rendez-vous, là, la mollasse. Pensez-vous que c'est les Français qui vont régler les affaires? La France? La belle France? Qui mange la merde? Bande de têteux de calice. Chrétien qui décide de backer Bush en 1990, après que Chirac a backé Bush en France. Pas de colonne, tu sais. On est fin, nous autres. On va être fin. On va être reconnu comme du monde fin. Si vous n'êtes pas prêts à vous battre pour votre liberté, vous allez en perdre. Les démocraties ne sont pas équipées pour faire face au mal. Vous comprendrez un jour. Attendez, l'avenir. Vous allez voir l'avenir, là? Ils sont allés chercher Churchill des années 40. Ils sont allés chercher Churchill. Ils voulaient toute la paix, les Anglais. La paix, at all price. L'Allemagne commençait à se reconstruire à partir des années 24, en secret. En 1935, l'aviation allemande était aussi forte que l'aviation anglaise. Si on a eu une deuxième guerre mondiale, c'est à cause de la niaiserie des Britanniques et des Français qui étaient capables de s'aligner. Puis l'incertitude américaine, séparée par l'Atlantique. C'est pour ça qu'on a eu la guerre. Ça aurait été arrêté en 35, la guerre. Donc, la masse, la mollasse, les nations désunies, qui mangent la marde. Utilisez votre histoire, vous avez réalisé que ces Américains, en 19 puis en 39, puis. Avec la Russie en 89, qui ont fait le plus pour libérer l'humanité des systèmes dictatoriaux. Les Américains qu'on critique parce que ne sont pas pognés dans la glace. Donc c'est la même chose pour l'homme. L'individu va prendre conscience, puis quand il va prendre conscience, il va être seul. Pas à deux, seul. Donc si vous êtes à deux, puis si vous voulez avoir l'approbation de l'oncle, l'approbation des autres, bien, vous êtes fait à l'os. Vous allez rester dans l'os, c'est sûr. La culpabilité, ça va vous lier à la menace. La crainte, ça va vous garder dans la menace. Il y aura toujours un prix à payer pour la liberté, puis c'est la guerre. La guerre contre nos illusions, la guerre contre nos craintes, la guerre contre l'astral. La guerre. Vous voulez vivre en paix, vivre la grande spiritualité, là, océanique, mystique des Indes, vous allez vous retrouver dans la mer comme les Hindous le sont. Spiritualité. L'homme se réveillera un jour. Seul! Il va se réveiller seul! Pas deux, seul! Il n'y aura pas besoin d'opinion de personne. S'il y a besoin d'opinion du monde, de quelqu'un, de la menace, il fera partie de l'évolution. Le régime des nations, c'est une chose. Le karma des nations, c'est une chose. Le régime de l'homme, c'est un autre. Puis l'absence de karma de l'homme, c'est un autre. C'est d'autres lois. Puis la spiritualité n'y fait pas partie. Ça, c'est sûr. Un jour, vous le comprendrez. Il y a quelqu'un qui me disait, « Oui, M. Bernard, mais si on ne va pas en Afrique pour les aider, les Noirs, qui c'est qui va le faire? » Je dis, il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours des gouvernements prêts à donner de l'argent, des gouvernements africains, pour que les gouvernements africains prennent la crise d'argent et mettent ça les comptes suisses. Il y aura toujours des gouvernements prêts à accepter l'argent des Canadiens pour mettre ça dans les comptes de Suisse pendant que les masses crèvent de faim. Il y aura toujours des gouvernements qui seront prêts à accepter que ça n'existe pas chez eux de AIDS. Comment on appelle ça AIDS en français? Les SIDA. Les communistes en France, en Chine, là, qui ne veulent pas accepter là, qu'il y a du sida, là, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur grosse crise de face chinoise, de calice, là. Ils vont avoir du sida. Ça fait partie de la guerre, ça fait partie du karma des nations, ça fait partie des grandes transformations socio-démocratiques d'Allemagne, démographiques d'Allemagne. Ils vont le vivre, le sida. Tout le monde va avoir du sida. Ça fait partie des grandes plaies. Il y a des peuples qui vont disparaître à cause du sida. Ça fait partie du karma des nations, ça. That's the name of the game. Même des gouvernements d'Afrique du Sud qui n'acceptent pas que ça existe, le sida. Bon, chez nous, non, pas ça. Mangez de la merde! Puis après ça, vous allez me parler des nations, du karma des nations, puis les famines des nations. Puis vous allez penser que je vais souffrir du karma des nations. C'est pas les papes que je blâme. C'est les gouvernements des papes que je blâme. Les crises de calice de gouvernement des peuples que je blâme. Puis on les aide, puis on les aide depuis des générations, puis des générations, puis l'argent, ça s'en va dans des comptes suisses, puis les gars, ça se promène dans les grosses crises de Mercedes. Des pays d'huile, puis des pays de pétrole comme Angola, Chris, où le monde crève de faim, parce que ces hosties-là de gouvernement, de chefs de gouvernement ou de bureaucrates mettent leur argent dans des poches. Puis moi, le bon petit Canadien, là, je vais me casser ma conscience, je vais être troublé dans mon âme pour ces hosties de pays-là qui mangent la mort. Ça fait partie du karma des nations. Vous allez le comprendre un jour, calice. Mais vous allez le comprendre seulement quand vous allez avoir une conscience individualisée. Quand vous aurez une conscience de masse, quand vous aurez une conscience basée sur la culpabilité, quand vous aurez une conscience religieuse, spirituelle, tout ça, là, toutes les crises de conscience endoctrinées, vous comprendrez rien. Parce que vous aurez peur d'être seul. Avec votre intelligence à vous autres. Prêt à comprendre ce qui se passe dans le monde. On comprend ce qui se passe dans le monde. On sait que les religions sont nécessaires, ça fait partie de l'évolution. On sait que l'homme de l'évolution a besoin d'un Dieu pour se sentir une sorte de réconfort dans ce grand traumatisme existentiel qu'on a dit, qu'on appelle la vie de la terre. On sait, on n'est pas des hosties niaiseux. On sait que les gouvernements sont nécessaires. Mais on a plein de cul, par exemple, de voir et d'entendre, à travers les intellectuels puis les presses, surtout la presse de la gauche, que nous autres, les petits gars qui travaillent à tous les jours, là, du 9 à 5, là, qui devrait envoyer toujours son argent en taxes dans ces hosties pays-là, parce que les Nations Unies ne sont pas capables de développer des lois suffisamment sévères pour dire, mais tabarnak, si on vous donne de l'argent pour vos peuples, puis vous mettez ça dans vos hosties de crise de poche, on va vous barrer les fonds, tabarnak! Parce qu'il n'y a pas de volonté créative, il n'y a pas de conscience créative. on ait des petits culs à la tête de nos crises de gouvernement. Qui mange la marde? La miasse. Puis après ça, on a l'idiotie, le culot de penser que Bush 5 ans, vous êtes venu de regarder l'histoire américaine dans 10, 15, 20, 25, 35, 40 ans, puis vous allez voir comment ce que Bush a été mesuré historiquement. Vous allez voir que c'était probablement un des grands présidents qu'on a eu, puis on l'a eu à temps, cette calice de Bush-là. On l'a eu à temps. Ils disent la conscience, c'est ça. C'est pas deux, c'est ça. Si t'es chanceux, tu trouves quelqu'un d'autre. Communiquer avec, c'est facile. Si t'es tout seul, t'es bien. T'as pas besoin d'être à deux. Tu sais. C'est à trois, tant mieux. À dix, à cinq mille, tant mieux. Mais, tu sais, si t'es pas capable d'être seul, t'auras jamais de conscience. Surtout dans la mélasse. Tu finis? En ce cas-ci. Question? Avant que je me sauve des codes vocales. Allez. Non, mais ça là, c'est une mémoire de vous. L'âme est connectée au l'âme est connectée aux mémoires universelles, puis ça fait partie de sa réalité parce que l'âme c'est de la mémoire. L'âme c'est un de la mémoire. Okay. C'est un que ça. C'est pas d'autre chose que ça. Non, mais elle a déjà 50 millions. Comment tu fais quand tu fais des gestes antisociales en donnant? Parce que l'âme, elle ne peut pas par elle-même s'auto-corriger. C'est un des grands mystères de l'âme. C'est un des grands mystères scientifiques sur le plan cosmologique de l'évolution. C'était quand l'âme a commencé à s'incarner dans la matière, eux autres, au bord, ne savaient même pas que l'âme ne pouvait pas se corriger, parce que tout n'est pas su dans l'univers local. Ça n'existe pas ce que tout est su. La science, c'est toujours un processus en évolution. À leur niveau, c'était pas su que l'âme ne pouvait pas s'auto-corriger. Et comme c'était pas su, quand l'âme s'est incarnée, qu'elle a commencé à se coordonnées avec le corps matériel, les sens, toute la patente de la vie matérielle, ça l'a créé chez l'âme des dispositions à perdre contact avec sa source. Quand ça a été fait suffisamment, l'ego a commencé à se développer, l'homme est sorti d'une conscience astrale, presque permanente dans ce temps-là, puis est passé à une conscience mentale inférieure qu'on appelle l'intellect, qui a donné naissance à toutes nos civilisations, puis après ça, l'homme dans l'évolution, passe à une conscience supérieure, mentale, télépathique avec les autres, puis c'est à ce moment-là que l'homme pourrait se corriger dans ce sens que l'homme connecté, unifié, sortira de la mémoire de l'âme, autrement dit, se libérera du karma mémoriel de la race, qui fait partie de sa conscience cultivée, culturelle, que lui, en tant qu'être incarné dans ses rapports avec une société, est obligé d'absorber à travers les lois du langage puis le son. Un jour, ça changera, ça. Ça fera partie de l'évolution de l'homme. Donc, en attendant, l'âme, ça fait partie des records achaïques. Elle n'existe pas en dehors des records achaïques, mais avec l'évolution de l'homme, éventuellement, l'esprit, l'âme vont se conjuguer, s'unifier, et à ce moment-là, l'âme sera libre des records achaïques, et elle passera du plan astral ou à une conversion astrale à une conversion moroncielle, puis ça sera le début de l'évolution jupitérienne, et l'homme ne reviendra jamais sur la Terre, et l'homme construira des civilisations sur un autre plan que le plan matériel, parce que la Terre, en tant qu'école systémique, ne servira plus au développement de ce qu'on appelle la conscience fructifiée. Elle n'existera plus, la conscience fructifiée, parce que l'homme ne pourrait plus penser. La seule raison que l'homme sur la Terre a une conscience fructifiée, c'est que l'homme pense. Quand l'homme ne pourrait plus penser, l'homme ne pourrait plus ajouter au mémorial de l'âme, l'homme ne pourrait plus ajouter donc aux archives mémorielles akashiques, et ne pouvant plus ajouter à ces archives-là, elles ne serviront plus, ces archives-là, et à ce moment-là, l'homme créera de nouvelles archives moroncielles, cosmiques à un autre niveau, mais qui font partie d'une fusion, c'est-à-dire d'une relation étroite entre la manipulation du rayon et l'expression instantanée de la conscience atomique chez l'homme. La conscience éthérique atomique chez l'homme. Sa conscience pure. Mais l'homme n'aurait plus besoin de mémoire pour être. Il sera simplement vibratoire. Il sera télépathique. Il pourra commander aux énergies sur son plan et il ne sera plus maintenu en gravité matérielle par les plans sur lesquels il sera, comme on a été pendant l'évolution, pour servir d'expérience dans une vie en quarantaine sur la Terre. autrement dit, l'expérience de l'homme dans une école cosmique où but la Voie lactée, ça n'existe plus. L'homme sera un être universel, puis il n'aura plus besoin de se promener avec son petit Christ de cordon ombilical là, au niveau du plexus solaire pour se promener peut-être de la Terre à la Lune. L'homme pourra aller n'importe où dans l'univers. L'homme sera libre. On n'est même pas libre de se promener en astral avec notre petit cordon ombilical parce que tu pars de la Terre, tu t'en vas à la Lune, le cordon est rendu tellement étrici qu'il risque de casser, fait que tu es obligé de revenir à ton corps pour pas mourir. Fait qu'imagine-toi que la liberté n'est pas gros. Hein. Mais l'homme va être obligé d'accepter, en tant qu'ego, en tant qu'être pensant un jour, il va être obligé d'accepter, de réaliser, puis de comprendre que sa pensée est fracturée. Fracturée veut dire que sa pensée, elle y appartient dans un sens, puis elle n'y appartient pas dans un autre. Quand elle y appartient, il se sent bien. Quand elle n'y appartient pas, il ne se sent pas bien. Donc moi, je vous dis, quand votre pensée vous appartient, c'est parce qu'elle est créative, il n'y a pas de problème. Ce qui est bon, c'est bon. C'est créatif, c'est créatif. Quand elle ne t'appartient pas, autrement dit, qu'elle est plus créative, qu'elle est astralisée, à ce moment-là, il faut que l'homme le sache. Il faut qu'il sache qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, il faut qu'il se décupe de ça. En voulant dire, tu as conscience de l'occulte, tu as conscience occulte de la pensée, mais mets pas d'importance dedans. Fait que si tu te fais chier par les plans, parce que ça fait partie de la pénétration de nos énergies sur le plan matériel, pas de problème, du moment que toi, tu n'as pas d'importance dedans. À ce moment-là, l'homme va déconstruire sa pensée, elle va devenir petit à petit télépathique, puis un jour, l'homme vivra très, très agréablement, confortablement, sans mémoire existentielle. Il y aura une mémoire créative, mais il n'y aura plus de mémoire existentielle. Fait que la fille s'est faite violer quand elle avait 12 ans, ça n'aurait plus d'importance. Que son père, qu'il soit né dans une famille de motards, ça n'aura pas d'importance. Qu'il soit né dans une famille de curés, ça n'aura aucune importance, parce que l'homme partira de zéro. Pour se reconstruire une vie mentale. Fait que la psychologie qu'on connaît aujourd'hui, ça ne servira plus à rien. Ça fait partie des grandes archives, puis des grandes. Ça fait partie de la muséologie de l'humanité. Regardez la science. Ça fait 100 ans qu'on a un petit peu de science, il y a de l'allure, là. Partie de la révolution industrielle, un petit peu, là. 52 avec les technologies, les transistors, ça a tout changé. On est rendu des computers, là. Ça commence à être pété un petit peu, là. Ça commence à être pas mal de la science. Puis là, ça fait 100 ans. Imagine-toi dans 10 ans, dans 10 000 ans. Qu'est-ce que ça va être notre science dans 10 000 ans? Tabarnak. Puis ça, c'est au niveau de la matière, ça. Imagine-toi au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que ça va être, alors? Puis on veut se permettre, en tant qu'individu, éduqué, PhD, maîtrise, BA, ou whatever, on se permet de penser qu'on est intelligent. On commencera à être intelligent quand on sera capable d'être en mode télépathique avec eux autres, cette gang de calices-là, là. Puis qu'on sera capable de supporter ça, là. Ce grand vide plein-là, là. Cette communication-là avec nos grands frères, si tu veux, là. Ces grandes intelligences-là, qui font pas partie du royaume des âmes, ça, c'est jamais incarné, cette gang-là. Ce qu'on appelle des ajusteurs de pensée, là. Qu'on commence à écouter, parler avec eux autres, puis étudier qu'est-ce que c'est le monde de la mort, puis qu'est-ce que tu dis, étudier qu'est-ce que c'est le monde moron-ciel, puis étudier qu'est-ce que c'est les vastes étendues de conscience gouvernementale qui règnent sur toute l'évolution des âmes. Là, on commence à avoir une petite idée qu'est-ce que c'est la vie systémique. Donc, quand on sortira de notre corps à mortalité, là, il n'y aura rien là. Mourir, il n'y aura rien là. Mais l'homme n'ira pas en conscience astrale, l'homme ira en conscience moron-ciel. Faut arrêter d'être niaiseux un jour, là. Tu sais, faut qu'on sorte de la Renaissance, puis de la Réformation, puis faut qu'on sorte de ça. Le temps des églises, puis du pouvoir des religions sur l'homme. Je parle de l'homme individuel, là. Je parle pas du monde d'Amérique du Sud, Christ. L'homme conscient, l'homme avancé, là. Il y a trop de choses à comprendre, il y a trop de choses à savoir, il y a trop de choses à voir pour perdre notre temps avec des conneries de même. La menace. C'est quoi? Ah, il est totalement probable. Effectivement, il est totalement probable. C'est à l'homme de réaliser. Quand l'homme va réaliser qu'il est probable, l'homme aura occupé. L'homme n'aura plus de problème avec sa consubstantialité. L'homme a des problèmes avec sa consubstantialité parce qu'il n'est pas capable de sentir il n'est pas capable de supporter cette présence abominable-là qu'il a juste à repenser. Une fois que tu es capable de supporter cette habitation-là, autrement dit, cette connexion-là, ce lien-là, qu'on a toujours voulu spirituellement, anyway, Spirituellement, on a toujours voulu. On a toujours voulu être unis et fiers à Dieu. Les hindous ont toujours voulu avoir la conscience océanique. On a toujours voulu avoir... On a toujours voulu être plongé dans le nirvana. Toutes ces bullshit-là. Là. Mais ça, c'était pas dangereux, ça. C'était safe. Parce que on pouvait être unifié à Dieu parce que c'était bon pour nos épouses, archevêques, puis curés, puis tout ça. Là. C'était le fun. On était des grands. Mais quand il s'agit réellement d'être unifié à notre principe là, créatif, universel, qu'on ne comprend pas, là, puis d'être habité par ça, là, dans une congénialité tellement grande que l'ego est totalement bouleversé, que l'ego perd sa mémoire effective pour entrer dans une plus grande, là, là à ce moment-là, là, c'est là que l'homme va commencer à voir clair. L'homme n'appartient plus à ce moment-là à la conscience de la race. Puis il va voir le karma des nations, puis il va le comprendre, puis il va le regarder de haut. Il va comprendre, puis il va respecter ce qui se passe, mais lui, en tant qu'individu, ne sera plus impliqué émotionnellement. Je suis allé te parler. Bye.